Et pour l'instant, eh bien, on parle avec Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société à l'Université Laval, puisque c'est la chronique de technologie d'information. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Et là, cette semaine, encore une fois, eh bien, on va se parler de TI à travers un apprentissage universitaire. Entre autres, effectivement, on va s'intéresser un peu cette semaine à ce bon vieux mythe. Enfin, on a dans l'idée, quand on pense enseignement et technologie, que les professeurs sont dépassés et que les étudiants, eux, connaissent, savent, possèdent. C'est eux qui savent comment ça se passe. Exactement. On avait vu quelques chroniques du côté du cégep qu'il y avait une certaine disparité face à ce stéréotype-là, où finalement on se rendait compte qu'il y avait une proportion, peut-être un 30-40% des 18-24 ans qui pouvaient être considérés comme expert dans la maîtrise des nouveaux médias, des médias sociaux, des technologies de l'information usuelle. Donc déjà, ça enlevait une pierre un peu à ce stéréotype-là. Et tout récemment, je suis tombé sur une étude qui a été menée par des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal et d'autres universités du réseau des universités du Québec pour le compte de la CREPUC, qui vise justement à essayer de creuser un peu plus autour de cette idée des technologies en enseignement à l'université et de voir l'utilisation qui en est faite. Et donc déjà d'emblée, on surprendra personne en disant que dans le cadre de la formation universitaire, c'est 88% des étudiants qui utilisent toujours l'ordinateur pour produire des travaux écrits, 82% pour préparer des examens oraux, 56% pour se préparer pour un examen. Donc c'est une utilisation qui est assez généralisée. Mais tu vois, moi, ça me surprend, 88%, il y a quand même 12% des gens qui ne font pas leurs travaux à l'ordinateur. Effectivement. Ça me surprend. Effectivement. Faut voir l'autre pan de la chose. Et par ailleurs, pour les enseignants, mais c'est 94% des gens qui se sont dit moyennement à très compétents en matière d'utilisation des technologies. Donc, de manière générale, les professeurs disent, regardez, on sait ce qu'on fait, on est capable de les utiliser. 41% ont dit qu'il y avait un niveau de compétence moyen et 38% un niveau avancé, 15% un niveau expert. Donc, c'est une organisation des chiffres qui semble assez standard même face à la société de manière générale. Divergence, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit que c'est assez similaire, mais il y a des divergences qui sont assez importantes. La première se situe entre donc les enseignants et étudiants en matière d'utilisation quant aux applications en ligne. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les professeurs, eux, utilisent beaucoup des outils de conférence web, des applications utilitaires. On pense à Skype, par exemple, des outils de planification de rencontres, sondages, des éléments comme ça. Donc, vraiment pour appuyer dans la réalisation du travail. Et les étudiants, de leur côté, utilisent davantage des applications dites sociales, donc des applications liées aux réseaux sociaux, au partage vidéo, etc., etc. Et il y a pas nécessairement un grand point de rencontre entre les deux. Donc, c'est vraiment majoritairement les professeurs vers les applications utilitaires, les étudiants majoritairement vers les applications dites sociales. Et quand on parle des applications web, la proportion des enseignants donc qui en entendent parler est élevée. Ils connaissent bien ce spectre-là. Inversement, les étudiants le connaissent peu. Et inversement, les professeurs connaissent beaucoup moins aussi les médias sociaux et les étudiants connaissent beaucoup. Donc, ça crée peut-être une situation où... On se rejoint pas dans le web, finalement. Exactement. C'est vraiment deux modes d'utilisation du web radicalement différentes. Et évidemment, on va le voir tout à l'heure, ça change aussi la perspective qu'on va avoir de l'expérience d'utilisation du web et des technologies en classe. Donc, il y aurait un clash, finalement, mais pas à l'endroit où on pense. Exactement. C'est pas en connaissance de l'appareillage, de l'outillage, c'est dans les modes d'utilisation qui en sont faits. Et aux divergences, d'ailleurs, en fait, quand on parle des activités en ligne, ce qu'on se rend compte, c'est que les enseignants ont eu recours en moyenne beaucoup plus fréquemment que les étudiants. Donc, la recherche sur Internet, par exemple, la consultation d'un forum, consultation d'un blog. De manière générale, c'est plus des activités faites par les professeurs que par les étudiants. Quand même, c'est pas des chiffres extrêmes d'un côté comme de l'autre, mais il y a quand même une tendance à la hausse là-dessus pour les enseignants. Parallèlement, quand on parle d'activités en ligne actives, même chose encore, les enseignants sont plus actifs sur le web. Quand on parle d'aller participer à un forum, d'aller écrire sur un blog, etc. Donc là, également, il y a plus de participation du côté professoral. Alors, c'est intéressant. Et je te disais tout à l'heure, au niveau justement des constats qu'on en fait, ce qu'on remarque, c'est que finalement, les étudiants aiment bien l'expérience en classe et... le fait d'avoir un cours magistral au niveau universitaire ne vient pas amener un regard négatif sur l'expérience en classe qu'ils ont eue. Si l'expérience magistrale est bonne et positive, ils vont le percevoir positivement. Donc, ils sont pas rébarbatifs à cette idée-là. Et même, en fait, préfèrent avoir un cours magistral que d'avoir une formation à distance ou une formation en ligne, de manière générale. Pour les enseignants, ce qu'on remarque, c'est que on favorise beaucoup l'intégration de formules interactives parce qu'on a l'impression que dans le cadre d'exposés magistraux, eh ben il y a un lien qui est négatif, qui se forme avec l'étudiant s'il ne participe pas suffisamment, si on n'est pas capable de l'intégrer suffisamment. Donc, il y a cette volonté-là. On a l'impression que si on n'a pas assez d'outils d'interactivité, ben on va perdre l'étudiant, on va offrir une expérience qui est négative. Et donc, puisqu'on a cette perception-là, eh ben pour l'enseignant, ça va être une perception négative aussi de sa performance en classe. Donc c'est assez intéressant. Ouais. C'est un article en fait qu'on retrouve notamment dans Direction informatique, évidemment dans les revues de presse sur le site de l'ITIS, on peut le retracer. Et ça amène à un autre sous-sujet, à savoir ben justement les technologies en classe, de quelle manière on peut les intégrer. Évidemment, on réfléchit toujours notamment en matière des médias sociaux, on vient de voir, les étudiants les intègrent beaucoup, les utilisent beaucoup dans leur vie personnelle. Est-ce que ça vaudrait la peine de les intégrer de manière un peu plus proactive dans l'expérience d'enseignement, oui, à l'université, mais également aux autres niveaux d'enseignement, au primaire, au secondaire, au collégial, pourquoi pas? Alors, il y a des chercheurs, évidemment, qui se posent plusieurs questions. Il y a les gens du CEFRIO qui, récemment, ont dressé un peu un inventaire réalisé au fil de lecture, de recherche et de perspectives autour, justement, des avantages et inconvénients de l'intégration d'un outil comme Twitter à l'école. Ce qu'ils disent, en fait, de manière générale ou en matière d'utilisation, quand on parle du niveau primaire, donc Twitter est principalement utilisé pour apprendre aux élèves à mieux savoir lire et écrire. Quand on passe au niveau secondaire, donc Twitter devient plutôt un outil, un moyen de communication pour amener les élèves à échanger entre eux, à mieux participer en cours, à s'impliquer dans la vie de la classe. Et ensuite, dans les niveaux supérieurs, donc collégial, universitaire, eh bien là, ça devient un outil de travail collaboratif. Donc déjà, trois modes d'utilisation selon les niveaux. J'ai l'impression que Twitter, c'est pas le meilleur outil pour apprendre. Mais en tout cas, Un peu plus comme tous les autres, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Je te dis les avantages. Ok, je vais essayer d'être convaincu. Alors, première chose qu'on dit, c'est que Twitter aide à la qualité orthographique de l'élève. Donc, cette idée, en fait, d'avoir à aller chercher en 140 caractères, donc de pouvoir synthétiser une idée, ça force, si on y va dans le négatif, à utiliser des diminutions de termes, des choses impropre, mais inversement, dans un contexte scolaire où on dit, ben, on travaille le français, on travaille l'expression, ben, il y a une obligation à utiliser des vrais mots. Et donc, si on est en 140 caractères, faut que ces mots soient précis, disent ce qu'ils ont à dire. Et si on dit aux gens, ben, en plus, structurer ça comme une phrase, eh ben, là, ça devient un bon défi. Quiconque a essayé, exemple, les défis littéraires de la zone littéraire de Radio-Canada, entre autres, qui sont mensuels, je crois, sur Twitter, c'est pas facile de bien synthétiser une idée, une histoire, un récit, une perspective en 140 caractères. C'est un défi qui est extrêmement stimulant. Alors, dans les avantages, évidemment, mais ce défi-là peut amener un contexte favorable pour l'apprentissage de l'écriture et pour l'apprentissage d'un vocabulaire précis, ouais, également. Sur le vocabulaire, moi, je suis d'accord, parce qu'il faut trouver des synonymes, souvent, qui sont plus courts, qui sont plus concis, qui vont résumer plus rapidement ce qu'on veut dire. Et parallèlement, ce qu'on dit également, c'est que Twitter permet aux élèves de se maintenir informés sur le monde. En fait, Twitter, c'est un accès, dans le fond, à ce qui se passe dans le monde en temps réel. On le voit aujourd'hui, l'ouragan Sandy aux États-Unis. Ben, sur Twitter, disons que c'est très présent au moment où on se parle comme sujet, comme thématique. C'est le cas pour la plupart des grands dossiers d'actualité nationale, provinciale, locale. Alors, ça devient donc une possibilité pour les élèves d'être au courant, de pas être déconnectés du monde qui les entoure et de pouvoir être informé à tout le moins minimalement par rapport à la politique, la réalité sociale, la culture, etc. Parallèlement, ça permet aussi justement une collaboration entre élèves et professeurs, mais avec d'autres élèves et d'autres professeurs de d'autres régions, d'autres pays, etc. Donc, c'est quand même un outil d'échange en temps réel qui est intéressant. Sinon, il y a aussi donc cette possibilité d'interaction qui est présente au sein de la classe, donc de pouvoir poser des questions, interagir, etc. Donc, ça permet d'avoir un accès privilégié aux autres étudiants et à l'enseignant. Et enfin, deux autres avantages, on parle d'une plus grande autonomie à l'élève qui lui permet de passer les barrières de l'oral, la prise de parole en public. Donc, ça lui permet publiquement de prendre parole, mais sans avoir la gêne que l'on a à prendre parole devant un grand groupe. Donc, un peu comme à la radio, ben on voit pas les gens à qui l'on parle. On sait qu'on parle à beaucoup de gens, mais c'est pas le même stress que quand on est devant une cinquantaine de personnes. Et également, ben, ça l'aide à l'alphabétisation numérique des élèves, puisque si c'est montré dans un bon contexte, ben, ils vont devoir apprendre à utiliser l'outil et à bien l'utiliser. C'est la clé, évidemment. Mais à ça, Tania, il n'y a pas que des avantages. Tu le soulignais toi-même tout à l'heure. Il y a des inconvénients qui sont facilement pointables et qui peuvent amener l'autre côté de la chandelle, si on peut dire, par rapport à ça. Alors, j'en nomme quelques-uns, peut-être pour compléter un peu notre réflexion là-dessus. Ce qu'on dit, c'est notamment, premièrement, au niveau de l'équipement. Donc, si on dit on utilise Twitter en classe, mais il faut s'assurer que les élèves aient des outils pour le faire. C'est pas gratuit. Ben, ça prend un ordinateur ou un téléphone intelligent, ou du moins une tablette, un accès à Internet, finalement. Exactement. Donc, il y a des coûts et il faut avoir l'appareil pour que ce soit un accès équivalent pour tout le monde. Parallèlement, il y a la formation pour le professeur. C'est pas tous les professeurs qui maîtrisent parfaitement Twitter. Et il n'est pas facile à comprendre comme un réseau social, Twitter. Donc, exactement. Donc, il faut s'assurer qu'il y a une bonne formation pour les formateurs, pour que les formateurs puissent former les élèves à une utilisation adéquate de ce mode-là. Et évidemment, c'est un réseau ouvert. On parlait de prise de parole publique. Donc, oui, devant la classe, si c'est dans un hashtag fermé, mais reste que n'importe qui a accès à cette information-là. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui peuvent venir pirater les hashtags qu'on va utiliser, et donc les exercices fermés qui sont dans la réalité des exercices publics. Donc, il y a une difficulté aussi de gestion. Et également, on parlait de facilité d'accès pour le professeur. Eh bien, ça nécessite pour le professeur d'être aussi disponible de manière beaucoup plus large que simplement le temps qu'il passe en classe avec les élèves. C'est une implication plus grande qui va leur être demandée s'ils choisissent d'intégrer cet outil-là. Donc, ça veut dire que c'est pratiquement du 7 jours sur 7. Là, il y a des échanges et des questions qui peuvent arriver. Il y a un lien direct, que ce soit Twitter ou Facebook, d'ailleurs, si le professeur décide de se créer un profil professoral pour rejoindre ses élèves dans des groupes fermés de classe ou des choses comme ça, ben faut être prêt à jouer le jeu jusqu'au bout. Alors, vont vraiment des éléments donc de contrôle, des éléments de formation, des éléments de coût et des éléments d'implication qui doivent être gardés en tête dans l'exercice d'intégration d'un outil comme Twitter dans un projet éducatif. Mais ça, c'est dans un projet éducatif, mais sinon, Twitter, en général, fait beaucoup de projets. Oui, et notamment, en fait, je suis tombé là-dessus tout récemment, Twitter qui lance un festival de la fiction narrative qui aura lieu du 28 novembre au 2 décembre. Ce sera à travers le monde, sans contrainte de format, pour essayer de mettre à l'avant le côté narratif des possibilités offertes par, justement, le 140 caractères. Alors, ça sera à suivre, tout ça, évidemment, sur Twitter. Et ce qu'on nous dit, en fait, c'est qu'il y a des propositions de sujets qui peuvent être adressées avant le 15 novembre, notamment via le blog de Twitter France pour les Français. Est-ce qu'il y en a au Québec pour l'instant? Ça reste à voir. Il y a toujours l'Institut Twitterature comparé également, mais ça serait intéressant de suivre ça sur Twitter. Et si les gens veulent également explorer les nouveaux modes d'expression qui sont offerts, mais d'un point de vue peut-être plus créatif, nous, à l'ITIS, on offre une conférence le 15 novembre prochain. C'est un jeudi soir à 19h à la bibliothèque Gabriel Roy. Ça va s'appeler la littérature à l'heure du numérique. Donc, on va explorer les modes d'expression qui évoluent, qui se diversifient, des microblogs aux livres numériques. Donc, les nouveaux terrains d'expérimentation littéraire, d'expérimentation créative et donc voir les développements et les incidences que ceux-là ont sur notre culture également. Alors, ça risque d'être très intéressant. C'est par un professeur qui est extrêmement intéressé, qui suit ardemment cette question. Il s'appelle René Audet. Il est professeur au département des littératures de l'Université Laval. Donc ça, ce sera jeudi le 15 à 19h. C'est gratuit. Alors, si vous voulez d'ores et déjà le mettre à votre agenda, ben moi, je n'y vois pas d'inconvénient. les détails se retrouvent sur itis.ulaval.ca. Cet Internet, on retrouve aussi les chroniques et vous êtes aussi sur Twitter, Laetitia. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se reparle donc la semaine prochaine de Technologie de l'information.